Escadrille, flavor beyond flavor, y'all. The heavyweight champion of sound, DJ Enough. Representing the Flip Squad, New York City, niggas. Recognize, come on. Je rêve quoi de vivre comme un gangster. Je laisse les gangs s'enterrer et les psters. Une vie paisible où j'aurais quoi à me terrer. La guerre délirée, supprimée, on l'enterrait. À coups d'ampères, les enfoirés se feraient opprimer. Mes danses feraient ferrer, couleur ou air, tout ça sont crimés. Quand je dis ça, c'est se référer au trésor ouvert. Non toujours primé, j'y mets le temps pour mes crimes. Je préfère le rouge, je mets sur mes caleçons jeans. C'est ce que je mets pour la frime, c'est serrer les femmes, serait mon hobby. Boîte comprimée pour dormir, pas le temps, car sonne ma seule phobie. Mon Kobe, tandis que dans sa Deb Dolls, mon top Bobby, chanter le choubi, doubida. Pour happer le rêve américain, plus qu'une dope, on la copie. Bien qu'utopie, on essaye d'être loin des Tchopies. Et d'ici pas dans le front qui font tchépi. Le tchép ici, il est en abondance. Ma fétier bouillonne jusqu'à l'extrême contenance, fiche. Écoute, ya, comme certains frères. Je rêve d'argent, de champagne et de sexe. Comme certains frères. Je rêve de l'usine rôle de Scarface. Comme certains frères. Je rêve de dents en or de Rolex. Comme certains frères. Je rêve de rouler tasse pour faire le mal. Je rêve d'argent, de champagne et de sexe. Je rêve de l'usine rôle de Scarface. Je rêve de dents en or de Rolex. Je rêve de rouler tasse me plein de malaise. Soit sur fiction, je me vois Scarface dans un grand pavillon. Mes gars sont là, ma fortune s'estime à des millions. J'ai trop de fric, donc pour les femmes, je suis le plus mignon. Costume trois pieds, téléphone portable pour livraison. Plus de trésor dans ce trip, on m'appelle patron. Si le monde de la cam était un arbre, moi je serais le tronc. J'ai plein de jazz de billets, gilet par balles. J'espère qu'il y ait gars sur sa tête, j'ai mon barillet. Tu montes mon film, qui tue comme de la morphine. Dans ce rêve, on m'incarcère pas, même pour des crimes. Pour moi, c'est un pour le cash, deux pour la frime. Weston à 6000 francs, en guise de team. Limousine, champagne, millésime. Foie gras, homard, caviar pour le dîner. Toujours armé, la vie pour moi était un vrai terrain miné. J'ai trop d'ennemis, mais un mot suffit pour les calmer. Un dur taf, j'ai même affaire à des camés. Le rôle que j'ai incarné, le plus kiffé dans le ghetto français. J'suis d'accord avec Sola, Hollywood nous berne. À cause de ces conneries, tout gosse à l'école on dessert. J'joue les Nino Brandt, se prennent des années de prison ferme. Emprisonné entre quatre murs de couleur terre. Putain, je me vois escarfé dans un grand pavillon. Écoute, moi j'avais une énorme bagnole, C'est quoi, j'avais un cœur, limousine. Ouais, c'est cool les millions. Ouais, mais réveillez-vous, c'est bon, c'est terminé tout ça, c'était le rêve. Bon, maintenant c'est la réalité, les gars, allez, faut aller à l'école, c'est ça la réalité. Tu te crois où là? Tu crois que c'est comme ça que la vie se déroule? Nickel bénéf, sans cesse t'encaisse, tranquille s'écoule. Réveille-toi, c'est pas ça la réalité. Sors ces sales idées de ta tête et compte sur tes qualités. Regarde en bas, dans la tête, tous ceux qui vendent du shit. Toute la journée stress, de te faire se faire reste par les Schmitt. Vendeur bedo, dealer de cam, consommateur aussitôt toxico. On te retrouve dans Panama en chien sans chicot. Y'a pas, seul le crime paie et ne parle pas. Certains ont tubré père et mère pour une liasse de scalpa. D'une sale et mal acquise, donne des sales manies. Scarface, tu manies. No brand, tu G-Money. Femme sexy, garci, grand café liassé. Montant roro sont les faces, c'est si qui font trépasser si bien. Malgré tout, on dirait ce qu'elle est. Autant de N ici qu'à NYC ou à LA. On prend ta vie comme on zappe sur la télé. Je rêve d'argent, de champagne et de sexe.